Elle est venue dans ces parages sans ses parents dans le rouge. Dans le grand bain des esprits, elle a signé le contrat pour bosser chez une vieille qui a une tête à claque. C'est Yubaba, Yubaba, elle est là tous les soirs. Pour tous les dieux de la terre, elle prépare les mains d'enfer. Oh Yubaba, Yubaba, elle est là tous les soirs. Et Shiro bosse pour elle, pour sauver ses vieux. Oh Yubaba. Pour trouver comment sauver sa peau, elle parcourt un long voyage de rêve, bossant pour une sorcière qui a une tête de 3 mètres, qu'un bébé qui lui mesure plus de 5-6 mètres. C'est Yubaba, Yubaba, elle est là tous les soirs. Pour tous les dieux de la terre, elle prépare les bains d'enfer. Oh Yubaba, Yubaba, elle est là tous les soirs. Et Shiro bosse pour elle, pour sauver ses vieux. Oh Yubaba, Yubaba, elle est là tous les soirs. Pour tous les dieux de la terre, elle prépare des bains d'enfer. Oh Yubaba, Yubaba, elle est là tous les soirs. Et Shiro bosse pour elle, pour sauver ses vieux. Oh Yubaba, Yubaba. Puis un jour, Shiro en eut marre de cette sorcière. Elle décida de partir des bains. Elle prit le train pour le 6e arrêt et là elle rencontra, pour veiller sur elle, la grande sœur Zeniba. Oh Zeniba, Zeniba, elle est là tous les soirs. Elle vit dans une bicoque seule avec un sans visage. Oh Zeniba, Zeniba, elle est là tous les soirs. Et Shiro est venu chez elle pour sauver ses vieux. Zeniba, Zeniba, elle est là tous les soirs. Elle vit dans une bicoque seule avec un sans visage. Oh Zeniba, Zeniba, elle est là tous les soirs. Et Shiro est venu chez elle pour sauver ses vieux. Yubaba, Zeniba. Oh Yubaba, Zeniba. Oh Yubaba, Zeniba. Oh Yubaba, Zeniba.